Demain, c'est domani. Domani sera veut donc dire demain soir. Domani mattina, demain matin. Puisque mattina, c'est matin. Et domani pomeriggio, c'est demain après-midi. Puisque pomeriggio veut dire après-midi. Donc on a domani, domani sera, domani mattina, domani pomeriggio. Le présent, c'est-à-dire la forme du verbe qui sert à parler de ce qui se passe en ce moment, s'emploie beaucoup en italien, et je dis bien beaucoup. Si j'insiste, c'est parce que en italien, le présent sert aussi à exprimer le futur, ce qui se passera dans l'avenir. C'est quelque chose qui est possible en français aussi. Par exemple, on peut dire « on se voit demain », c'est un présent et pourtant, la rencontre ne se passera que dans l'avenir. En italien, c'est pareil, mais on dit mot à mot « je vous vois demain ». Comment diriez-vous ça ? La vedo. Voilà, la vedo demain. La vedo domani. La vedo domani. Je vous vois demain. En français, il y a trois façons d'exprimer le futur. Soit on dit « demain, je reste à la maison », soit « demain, je resterai à la maison », soit « demain, je vais rester à la maison ». En italien, on ne peut pas utiliser le verbe « aller » pour exprimer le futur, pour dire ce qui va se passer. « Aller » se dit « andare » et certaines formes comme « je vais »,« vado » sont irrégulières parce qu'elles viennent d'un autre verbe latin, vadere, qu'on retrouve en français dans certaines formes du verbe aller, comme je vais, tu vas, etc. Donc, vado, c'est je vais, vado. Et vous allez, il va, elle va, c'est va, tout simplement, va. Vado et va. Mais vado veut dire uniquement je vais. Au sens propre, c'est-à-dire je me rends quelque part. Il ne sert pas à exprimer le futur. En italien, vous ne direz pas mot à mot « je vais vous appeler demain ». Non, vous direz normalement « je vous appelle demain ». Il existe un futur en italien, mais le présent s'emploie très très fréquemment. Alors, « chiamare », c'est « appeler ».« Chiamare ». J'appelle, se dit donc. Chiamo. Chiamo. Et je vous appelle? Lo. C'est la. Que le vous soit un homme ou une femme. Donc, je vous appelle? La chiama. Chiama, c'est il, elle appelle ou vous appelez. Mais je vous ai demandé, j'appelle, je vous appelle. La. Chiamo. Chiamo, c'est ça. La chiamo. La chiamo. La chiamo. Je vous appelle. La chiamo più tardi. Je vous appelle plus tard. Et je vous appelle demain? Lo. La. La chiamo domani. La chiamo domani. Et je vous appelle demain. Ou je vais vous appeler demain. Ou je vous appellerai demain. On ne peut pas dire en italien « je vais vous appeler » en employant « vado ». Ce qu'on peut dire, c'est par exemple « je vais le voir ». Mais à ce moment-là, le sens de la phrase, c'est « je sors maintenant pour le voir ».« Je m'en vais pour le voir » et non pas « je le verrai ». Si vous voulez dire « je vais le voir demain », vous direz « lo vedo domani »,« je le vois demain ». Mais s'il s'agit d'aller voir quelque chose, de se déplacer pour aller le voir, alors on emploie « vado a ». Parce que, après les verbes « aller » et « venir », s'ils sont suivis d'un autre verbe, on met « a ». « Vado a ».« Vado a vederlo ». « Je vais le voir ».« Vado a vederlo stasera ». « Je vais le voir ce soir ». Si vous êtes vraiment parti pour le voir. « Vado a ». Mais, encore une fois, il ne s'agit pas d'exprimer le futur, c'est un présent. On pourrait dire aussi « je vais l'acheter maintenant ». Au revoir, je m'en vais. Je sors pour l'acheter. Alors, comment diriez-vous ça? Je vais l'acheter maintenant. Vado com... Vado? Vado a. Vado a, c'est ça? Vado a comprare. Je vais l'acheter. Lo comprare. Non, comprarlo. Bien. Répétez encore une fois, je vais l'acheter maintenant. Vado a comprarlo ora. Bien. Vado a comprarlo ora. Qui veut dire, je suis en chemin, j'y vais, je vais vraiment l'acheter. Vado a comprarlo. Mais si vous voulez dire, je l'achèterai demain. Comprarlo domani. Non. Là, vous avez dit l'acheter. C'est un infinitif. Ah, d'accord. Je l'achèterai. Je l'achèterai. Je l'achète. Ah, lo comprarlo. Non. Vous avez encore un infinitif, là. Vous avez dit l'achetez-le. Ce qu'on veut ici, c'est un présent. On veut dire je l'achète et non pas l'acheter. Lo compro. Voilà. D'accord. Lo compro. Lo compro, c'est ça. Donc, lo compro, c'est je l'achète. Lo compro. Lo compro ora. Je l'achète maintenant. Mais aussi, lo compro domani. Je l'achèterai demain. Ou je vais l'acheter demain. Donc, vous voyez que le présent est très important en italien parce qu'il sert aussi à exprimer le futur. Lo compro domani.